On s'est déjà tout dit, je sais. On a tout essayé. Y'a pas de magie quand on se perd. On est juste deux ennemis qui s'aiment. On se fait la guerre ensemble. Mais je donne ma vie pour la tienne. Cette fois je ne fais pas mes valises pour rien. Balaye ton petit sourire au coin. À tous les coups tu me retiens, mais ce que je déteste chez toi revient comme un sale refrain. Mes mains te cherchent malgré les problèmes. On se déchire, on s'écrit des poèmes. Quand j'avance, tu recules d'un pas. Ce que je pense, je te le dis pas. Et c'est ce qui nous blesse. Si je te pardonnais, est-ce que ça changerait les choses? Si je te pardonnais, retrouverais-je celui que j'aimais? Si je te pardonnais, est-ce qu'on verrait la vie en rose? Comme on en vers le haut, mais tu me fais des coups bas. Tu vois jamais tes défauts, je suis toujours le coupable. Marre de tout ça, que l'on soit tout le temps fâché, fâché, fâché, fâché, fâché. Devant les autres, tu fais le gardien, mais t'inquiète même pas. Je suis pas comme toi, j'ai des principes, je te descendrai pas. Tous tes messages, je les ai déjà screenés, screenés, screenés, screenés, screenés. Puis je vois pas de quoi tu parles comme d'hab. T'en fais trop, ouais. Viens, on remet tous les compteurs à zéro, zéro.